Il est 12h45. Robert a faim. Il aperçoit un café-restaurant et s'assied à une table libre. La serveuse sert un jeune homme à côté. Un jambon de série et un verre de Beaujolais. Voilà. Et bon monsieur, qu'est-ce que ça sera ? Un jambon de pays et un verre de Beaujolais, s'il vous plaît. Puis Robert continue sa promenade. Il est 1h30. Robert hésite et revient au jardin du Luxembourg. Marie-Laure arrive peu après. Salut. Bonjour. Ça va ? Ben alors, le devoir d'anglais, où est-il ? Bon, je n'ai pas de devoir d'anglais. Je suis à l'école primaire. On fait pas d'anglais, enfin pas vraiment. Je fais de l'anglais, mais ce n'est pas sérieux. On apprend why do you do, why thank you, c'est tout. Mais alors, pourquoi est-ce que je suis venu ici, moi? Mystère et boule de gomme. Vous en voulez une? C'était bien la closerie? Qu'est-ce que vous avez bu? Un kir. Ah, je ne bois que de l'orangina. Maintenant, vous savez, les jeunes ne boivent plus d'alcool. Et pour monsieur, qu'est-ce que ça sera? Et pour monsieur, qu'est-ce que ça sera? Un jambon de pays et un verre de Beaujolais. Un jambon de pays. Et un verre de Beaujolais. Un verre de Beaujolais. Un jambon de pays et un verre de Beaujolais, s'il vous plaît. Qu'est-ce que Robert commande au restaurant ? Un jambon de pays et un verre de Beaujolais. Robert continue sa promenade. Il hésite et revient au jardin du Luxembourg. Il revient au jardin du Luxembourg. Marie-Laure arrive peu après. Où retourne-t-il après le déjeuner? Au Luxembourg. Qui arrive au jardin? Marie-Laure. Ah, je n'ai pas de devoir d'anglais. Je n'ai pas de devoir d'anglais. Je n'ai pas de devoir d'anglais. Je suis à l'école primaire. Est-ce que Marie-Laure est à la fac? Non, elle est à l'école primaire. Je fais de l'anglais, mais ce n'est pas sérieux. Je fais de l'anglais, oui. Mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Qu'est-ce qu'elle étudie ? L'anglais, mais ce n'est pas sérieux. Moi, je bois de l'orangina. Maintenant, vous savez, les jeunes ne boivent plus d'alcool. Les jeunes ne boivent plus d'alcool. Maintenant, vous savez, les jeunes ne boivent plus d'alcool. Est-ce que les jeunes boivent beaucoup, d'après Marie-Laure ? Non, ils ne boivent plus d'alcool. À ce moment, elle aperçoit un mystérieux homme en noir qui se cache derrière un arbre et les regarde. Vous avez vu ce monsieur là-bas ? Tiens, comme c'est bizarre. Vous connaissez ? Non. Mais tout à l'heure, à la closerie, je suis allé téléphoner. Et il est descendu derrière moi. Il est entré dans la cabine à côté. Il est resté pendant que je téléphonais. Il est sorti quand je suis sorti. Il est monté derrière moi. C'est vraiment bizarre. À ce moment, elle aperçoit un mystérieux homme en noir qui se cache derrière un arbre et les regarde. À ce moment, elle aperçoit un homme. Un homme mystérieux. Elle aperçoit un mystérieux homme en noir qui se cache derrière un arbre. Qui se cache derrière un arbre. Et les regarde. Que fait l'homme en noir que Marie-Laure aperçoit? Il se cache derrière un arbre.